بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va continuer sans plus attendre inshallah sur notre étude de القواعد Al-Muthla, les règles exemplaires concernant les noms et les attributs divins et les attributs de notre Créateur, Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ilin Allah Azza wa Jal, Al-Ikhlasa fil qawli wal amal, wa an yuthabitana bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Donc comme vous avez pu voir, j'ai préparé les deux livres, aussi bien Al-Qawa'id en première partie. Et si on a le temps, on va essayer, qu'est-ce que vous en pensez, qu'on continue sur Sifat al-Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour la deuxième partie. Donc si on peut, dans la première partie, on commence al-Asma al-Sifat, et ensuite, dans la deuxième partie, on continue la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que si on fait que deux cours dans la semaine, on fait que la description de la prière du prophète en somme que le samedi et le dimanche, on va avancer très lentement. On va avancer très lentement, puisqu'il faut considérer les deux langues. Et donc si on y arrive, on va essayer. Pourquoi ? Parce que Al-Asma al-Sifat, c'est tellement pertinent que lorsqu'on commence à étudier le sujet, et lorsqu'on est dans la lecture justement de ce sujet et de ce thème qui est les noms et les attributs d'Allah, que c'est tellement intéressant et c'est tellement captivant qu'on a du mal à sortir. C'est pour ça que surtout l'explication de l'auteur lui-même est tellement intéressante et précieuse que lorsqu'on commence à lire ensuite, on est captivé par la lecture et c'est pour ça que parfois j'ai du mal. Sinon, souvent, je décide, même surtout ce sujet-là de l'Asma al-Sifat, d'arrêter même avant l'heure. D'arrêter avant l'heure. Mais souvent, Shir, il détaille une question, ensuite vient vers une autre question qui est aussi pertinente et immensément intéressante. Donc ensuite, on a du mal. Si c'est pas Iqamat al-Salah, on continue à lire. Taïb, nouassil. Donc on était arrivé à la deuxième règle, fil qa'idat al-thaniya, concernant les noms d'Allah Azza wa Jal. Alors, dans la première règle, pour se faire un rappel, l'auteur, dans la première règle, nous a tout simplement enseigné que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont husna. C'est ça qu'il faut retenir. Et à chaque fois, on rappellera les règles. Comme ça, à la fin d'étude de l'Qawaid al-Muthla, au moins, si on se rappelle des règles et des choses importantes relatives aux preuves, alhamdulillah, c'est ce qui est voulu. Donc la première règle, c'est de savoir que Asma'ullah Azza wa Jal kulluha husna. Tous les noms d'Allah Azza wa Jal sont husna. Et l'auteur ensuite dans l'explication nous a bien détaillé cela avec les différentes catégories de mots. Et que les noms d'Allah Azza wa Jal sont husna parce qu'ils sont parfaits. Et c'est ce qu'on appelle la perfection à l'extrême ou la perfection absolue. La perfection absolue. Et cela, donc, c'est une règle pour tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fil qa'idati thaniya. Maintenant, dans la deuxième règle, l'auteur nous apprend que Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Que les noms d'Allah azza wa jal sont aussi bien des noms propres comme des qualificatifs. Donc, deux choses. Les noms d'Allah azza wa jal sont aussi bien des noms propres comme des qualificatifs. Et l'auteur nous a dit que dans ce chapitre, il y a mabhathan, deux recherches. Il y a deux grands sujets que l'auteur veut mettre en exergue, veut mettre en apparence, veut enseigner. Le sujet du fait que Allah Azza wa Jal, pour lui, les noms parfaits qu'il détient sont des harlem, des noms propres et des qualificatifs. C'est-à-dire que tous les noms d'Allah Azza wa Jal dénotent des attributs de perfection. Et ça, c'est ce qu'on avait terminé cette assise la dernière assise de l'Qawaid al-Muthla sur cette première recherche. On va reprendre directement pour qu'on puisse avancer sur ensuite al-Mabhath al-Thani. Fi al-Mabhath al-Awwal qala ana asma Allahi a'lamun wa awsaf. فهي باعتبار دلالتها على الذات أعلام وباعتبار دلالتها على المعاني أوصاف مثال ذلك السميع يدل على الله ويكون بهذا الاعتبار علما هذا في المبحث الأول ثم قال في المبحث الثاني قال وقبل أن ذكر المبحث الثاني ذكر المصنف رحمة الله عليه قاعدة مهمة نفيسة في هذا قال في هذه القاعدة هي القاعدة الأصيلة اللغوية الشرعية وتوقفنا عند هذا الكلام قال واسمعوا الكلام فهذه القاعدة هي القاعدة الأصيلة اللغوية الشرعية وأما المعتزلة فقالوا إن أسماء الله مجرد أعلام لا تدل على وصف ولهذا يثبتون الأسماء ولا يثبتون المعاني ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية مخالف لجميع لغات العالم فهذا الكلام كلام المعتزلة مخالف لجميع لغات العالم قال فكل العالم العرب وغير العرب إذا أتوا باللفظ المشتق فإنهم يريدون المعنى الذي أشتق منه فلا يقولون للأعمى إنه بصير ولا للبصير إنه أعمى وللقوي إنه ضعيف ولا للضعيف إنه قوي فصارت هذه القاعدة تفيدنا في الرد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات كما سيأتي Et là, comme on verra, mais on détaillera dans ce qui va venir, Inch'Allah, l'auteur dit qu'en fait, cette règle-là, elle nous permet de comprendre que la position concernant les noms sublimes de notre Créateur, la position d'une certaine doctrine qui nie, qui fait partie de Ahl al-Ta'til, c'est ce qu'on appelle Ahl al-I'tizal. Ahl al-I'tizal, qui eux, on le verra plus en détail dans ce qui viendra, confirment, ils croient au nom d'Allah, Azza wa Jal, lorsqu'ils lisent le Coran. Ils entendent Al-Hakim, Al-Alim, Al-Samir, Al-Wadoud, Al-Basir, par exemple. Ils croient en cela, ils disent cela, fait partie des noms sublimes et parfaits de notre Créateur. Sauf que pour eux, ces noms-là n'ont pas de qualificatif. Ils n'affirment pas les qualificatifs et les sens de ces noms. C'est-à-dire, ce sont des noms dénués de tout qualificatif. Comme on l'apprendra. Et donc dans cette fil qa'idat al-thaniya, l'auteur nous apprend que celle-ci réfute cette pensée et cette doctrine qui a émergé dans les premiers siècles, qui a commencé à émerger dans les premiers siècles. Et d'ailleurs il dit que cela n'est pas rationnel dans le sens, n'est pas convenable dans le sens que dans le monde, que ce soit dans le monde arabe ou non arabe, dans les langues, إِذَا أَتَوْ بِاللَّفْدِ الْمُشْتَقِ فَإِنَّهُمْ يُرِدُونَ الْمَعْنَى Lorsqu'il y a un mot qui contient un dérivé, le dérivé de celui-ci a un sens. Il a un sens. C'est pas possible qu'il n'a pas de sens. Par exemple, فَلَا يَقُولُونَ لِلْأَعْمَى On ne dit pas, par exemple, lorsqu'on désigne l'aveugle, on ne dit pas « il n'a au basir ». On ne dit pas qu'il est clairvoyant, qu'il a la vue, par exemple. « Walil basir, il n'a au arma ». Ou bien, pour celui qui voit, on ne dit pas qu'il est aveugle. Ou bien, « lil qawi, il n'a au daif ». Ou bien, pour le fort, on ne le désigne pas comme étant le faible. « Aulil daif, il n'a au qawi ». Ou bien l'inverse, le faible serait fort. فصارت هذه القاعدة تفيدنا et donc cette règle là elle est très importante. Pourquoi? Elle nous permet de comprendre que cette pensée de dire que on affirme le nom sans le qualificatif qui en découle Ce n'est pas possible. Allah, par exemple, est Samir, celui qui entend tout parfaitement, et donc il détient Sifat As-Sama. Sifat As-Sama. Et donc il détient le qualificatif, l'attribut de lui. Et ça, on le reverra plus en détail dans ce qui viendra. Al-Mabhathu Thani. Vous allez voir, il y aura une très belle faïda dans ce qui viendra. Al-Mabhathu Thani, la deuxième, si on peut traduire de manière relative ce que dit Shir, la deuxième recherche, c'est-à-dire la deuxième grande question qui est soulevée dans cette deuxième règle. Qala. Fi hadhihi al-qa'ida, c'est-à-dire la deuxième règle du fait que, quelle est cette deuxième règle que nous enseigne le Shir? Asma'ullah. كلها أعلام وأوصاف. C'est ça la deuxième règle. في هذه القاعدة هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ Il pose et soulève une question. Est-ce que les noms sublimes de notre Créateur sont متباينة dans le sens différent, c'est-à-dire les uns des autres, ou bien مترادفة synonymes, ou bien sont-ils synonymes? نقول écoutez bien ce qu'il dit باعتبار دلالتها على ذات الله فهي مترادفة لأنها كلها تدل على ذات الواحدة وأما باعتبار ما تحمله من المعاني أي دلالة كل واحدة منها على معنى خاص فهي متباينة فالسميع والبصير والعزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد فهي بهذا الاعتبار مترادفة لكن السميع دال على السمع والبصير دال على البصر والبصر غير السمع والعزة غير السمع والحكمة غير السمع وهكذا وهكذا ثم ذكر وقال واعلم أن الكلمتين إما أن تكون مترادفتين أو متباين أو متباينتين أو مشتركتين أو بينهما نسبة عموم وخصوص. Nous maintenant on va comprendre ce que veut nous dire Ash-Shir à ce moment-là en ce qui concerne la deuxième recherche, la deuxième question qu'il veut nous enseigner concernant cette règle-là. Il dit dans cette règle, il pose une question. Est-ce qu'on dit que les noms d'Allah Azzawajal sont différents ou bien sont synonymes? Ou bien sont synonymes? Il dit, écoutez bien la réponse, il dit, lorsque il est sujet de désigner l'essence même du Créateur, les noms d'Allah Azzawajal, lorsqu'ils sont relatifs, est lié à l'essence même du Créateur, alors les noms d'Allah sont, regardez ce qu'il dit, أَمَّا بِعَتِبَالِ دَلَالَتِ عَلَى الذَّاتِ فَيَا مُتَرَادِفَ sont considérés comme synonymes. Par contre, lorsque لِأَنَّهَا كُلَّا تَدُلُ عَلَى ذَاتٍ وَاحِدًا on va l'expliquer, وَأَمَّا بِعَتِبَالِ مَا تَحْمِلُهُ مِنَ الْمَعَانِ maintenant, en ce qui concerne l'aspect lié au sens qu'ils contiennent, les noms d'Allah Azza wa Jal, alors là, ils sont différents les uns les autres. Ils sont différents les uns les autres. Vous allez mieux comprendre. C'est pour ça que dans la règle, regardez, l'auteur dit, les noms d'Allah sont des noms propres du fait qu'ils désignent l'essence. That. Ils sont des noms propres parce qu'ils désignent l'essence. That. L'entité, l'essence même du Créateur, d'Allah Azza wa Jal. Alors il dit, ils sont aussi des qualificatifs en raison des significations qu'ils dénotent. C'est-à-dire que les noms propres d'Allah Azza wa Jal ont des significations. C'est ça que l'auteur nous enseigne dans cette règle qu'il faut retenir tout simplement. Ce sont des noms propres et ils détiennent des significations. Dans le cas du nom propre, les noms d'Allah sont synonymes. Dans le cas du nom propre, les noms d'Allah sont synonymes, car ils indiquent le même nommé. Car ils indiquent le même nommé. C'est-à-dire qu'en réalité, les noms propres, lorsque c'est lié Al-Dhat, à l'essence même du Créateur, tous ces noms-là, ils indiquent le même nommé, ils indiquent Allah Azza wa Jal. Donc dans ce cas-là, ils sont synonymes lorsqu'ils indiquent bi'atibari dalalatiha ala al-dhat, lorsqu'ils indiquent l'essence même du Créateur. Mais lorsque c'est lié aux significations, alors ils sont différents les uns les autres. Pourquoi ? Parce que chacun a sa signification et son sens. Vous comprenez ? Tayyib. Qala. Pour cela, il dit, ils sont aussi des qualificatifs en raison des significatifs ou des significations qu'ils dénotent. Dans le cas du nom propre, le nom d'Allah, les noms d'Allah sont synonymes. Lorsque c'est lié à l'essence même, elles indiquent le même nommé. C'est qui est Samia ? Qui est Basir ? Qui est Hakim ? Al-Alim ? Al-Wadud ? Ça nomme, ces noms-là indiquent le même nommé. Allah Azza wa Jal. Donc le shir dans ce cas-là, il dit que selon cet aspect-là, bihad al-i'tibar, on considère que c'est, elles sont mutaradifa, elles sont synonymes. Maintenant, lorsque c'est lié au sens de chaque nom, fa al-hakim, l'oumarna, ça a son sens. Wal-basir, wal-samir, wal-wadud, chaque nom, il a sa signification. Donc là, ils sont mutabayina. Mutabayina, ils sont différents. Traduction rapprochée et relative. Ils sont différents. Il va le dire dans la même règle. Hein. Là, c'est Al-Matn. Il dit, dans le cas des qualificatifs, les noms d'Allah sont différents car chaque nom indique un sens particulier. Les noms comme, par exemple, Al-Hayyu, le vivant, Al-Alimu, l'omniscient, c'est des traductions rapprochées. Al-Alimu, Al-Azizu, Al-Sami'u, chacun a son sens. Ar-Rahman, Ar-Rahim, par exemple, Al-Hakim, sont tous des noms qui indiquent aussi le même nommé, mais qui ont des significations différentes. Donc ils indiquent le même nommé, donc Cheikh il veut nous enseigner dans cette règle, lorsque du fait qu'ils indiquent le même nommé, ils disent son mutaradifa, mais du fait que ces noms-là ont chacun un sens, alors ils sont mutabayina. Ils ont un sens différent dans cette considération. Donc on peut avancer. Ensuite, Shir va détailler. Va détailler, mais ça va être un peu technique. Nous, on va avancer, puisque le but, c'est de comprendre la règle. C'est de comprendre la règle. Ensuite, pour les arabophones, je vous réfère justement lorsqu'il va donner cette faïda. وَعَلَمْ أَنَّ الْكَلِمَتَيْنِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُتَرَدِفَتَيْنِ أَوْ مُتَبَيِّنَتَيْنِ أَوْ مُشْتَرِكَتَيْنِ أَوْ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ عُمُومٍ وَخُصُوصٍ إلى آخر الكلام. ثم قال. Ensuite il dit. Maintenant on est dans le matn, dans le texte. قال أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وباعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وباعتبار الثاني متبينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا. Donc ça, ce que je dis en arabe, c'est ce que je viens de vous expliquer en français. Donc on peut avancer, ça n'a pas besoin de traduction, on vient d'expliquer. ثم قال وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه. Là, très important. Maintenant, Cheikh, il nous dit, on est dans le texte. Cheikh, il nous dit, pourquoi nous disons que les noms d'Allah Azza wa Jal, les noms parfaits, sont des noms propres et des qualificatifs. Pourquoi il dit, nous disons cela? Et ça, c'est la deuxième règle. Vous avez vu, c'est cette règle-là. Dans cette deuxième règle, Cheikh nous enseigne que les noms d'Allah sont des noms propres et des qualificatifs. Pourquoi il dit cela? Il dit, nous disons cela parce que c'est le Coran, dans le noble livre d'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, cela est indiqué. C'est indiqué dans le Coran. قال في الشرح وإذا دل القرآن في الرقم الأول لمن يتابع الشرح في الرقم الأول قال وإذا دل القرآن على شيء وجب إثباته وإذا دل على نفي وجب نفيه. Pourquoi? Parce que il dit c'est indiqué dans le Coran. Et donc il dit la règle. Regardez dans le dans la même page dans l'explication dans le numéro 1. الرقم الأول. C'est comme ça que vous pouvez vous indiquer puisque il y a des passages pour qu'on puisse avancer parce que vous avez vu le livret est volumineux. Et si on traduit tout mot pour mot, et nous ce qu'on veut retenir c'est les règles. Donc les ou qu'il y a vraiment des faïda qui est de notre niveau, qui sont de notre niveau parce qu'on est quand même des gens de la masse. On est des nahnu min al-awam. Wa ashir ça devant lui lorsqu'il faisait char, c'est talabat al-ilm. Il avait à l'époque, il avait sûrement des gens devant lui, des katira. C'était des docteurs qui s'assoient devant lui, qui apprenaient devant lui, des mashaykh déjà, qui s'assoient devant Cheikh Ibn al-Uthaymeen. Certains étaient des élèves de Cheikh Ibn al-Uthaymeen, hein, avaient atteint déjà haut niveau. C'est ça qu'il faut considérer dans ces shurahs. C'est pour ça que certains passages, il y a certaines questions techniques. Lakin, on a que fawaïd. Il y a des fawaïd de notre niveau qu'il ne faut pas manquer. C'est ce qu'on va essayer de se charger de traduire, Inch'Allah. Donc il dit, une faïda très importante, cette règle-là, le fait de dire que les noms du Créateur, nous c'est ça qu'on veut savoir. Le fait de dire que les noms du Créateur sont des noms propres et des qualificatifs. Où est-ce qu'on tire cela? Il dit du livre d'Allah, du Coran. Cette règle-là, du livre d'Allah, du Coran. Pourquoi? Parce qu'il dit dans le Coran, ce qui est affirmé, le croyant doit l'affirmer. Et ce qui est nié, le croyant doit le nier. Donc il est bien affirmé dans le Coran qu'Allah huwa as-sami'a. C'est bien affirmé. Quelle est donc maintenant la charge du croyant? Son comportement qu'il doit avoir vis-à-vis de son créateur? Bah d'affirmer. Allah nous dit qu'il est al-basir. La créature ne peut pas dire non, Allah n'est pas basir. Il ne peut que affirmer. Taïb. Donc, ici c'est très important, il dit c'est dans le Coran. Thumma qala, on revient toujours au matn. ثم قال وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما هو في قوله تعالى هو الغفور الرحيم. Regardez comme c'est dit dans le Coran. Allah dans le Coran lui-même il dit qu'il est al-Ghafour, peut le traduire de manière rapprochée approximative, le grand pardonneur, al-Rahim, le miséricordieux, une traduction ou le clément. Celui qui fait miséricorde. Celui qui fait miséricorde. C'est toujours relatif, pourquoi? Parce que même si on creuse les mots en français, parfois même fi an-nazar, même sur le mot miséricordieux. Parfois même, il faut, si on creuse vraiment les mots, il faut, mais on reste sur le terme, le tout miséricordieux. Mais même en français, parfois fi an-nazar. C'est pour ça que on reste. Le mieux, comme on va arriver, lorsqu'on va arriver sur le chapitre où le Shir va nous mentionner, nous enseigner tous les noms d'Allah, tous les noms d'Allah qu'on est censé connaître. Les 99, on va essayer de les apprendre en arabe. Les apprendre en arabe et de connaître le sens. C'est-à-dire que Ar-Rahman, Zou, Ar-Rahma. D'apprendre ça comme cela, tout simplement. Ar-Rahman, c'est qui? C'est Ar-Rahman, c'est Allah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi? Zou Ar-Rahma. Al-Aziz, Zou Al-Izza. C'est celui qui a Al-Izza. Qu'est-ce que Ar-Rahma? Ensuite, on apprend c'est quoi? Ar-Rahma, c'est quoi Al-Izza? C'est Atil Kalam. Thumma wa qawluhu ta'ala. Wa rabbuka al-ghafuru, Zou Ar-Rahma. Vous avez vu, Allah dit, et ton Seigneur c'est Al-Ghafur, Zou Ar-Rahma. Ça veut dire quoi? Zou Ar-Rahma. C'est celui qui détient la miséricorde. Donc on voit bien que Zou Ar-Rahma, Ar-Rahma c'est le qualificatif. C'est la sifa. Et là c'est très pertinent que Shir nous cite Ad-Dalil. il nous cite le dalil que donc il y a des awsaf, des sifat. هذا دليل قال فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. Ce verset-là qu'on vient de citer, c'est une preuve irrévocable que qui est le miséricordieux ? Je reste toujours sur le terme relatif. Qui est Ar-Rahim ? C'est celui qui a Ar-Rahma. Si une personne te pose la question, Mad Dalil, il est dit que c'est Ar-Rahim, c'est Ar-Rahman. Pourquoi toi tu dis que Allah Azzawajal est celui qui a Ar-Rahma ? Allah a dit qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. لماذا تقول بأنه ذو الرحمة؟ لأنه سبحانه وتعالى قال هذا في كتابه. قال وربك الغفور ذو الرحمة. Parce que ton Seigneur est al-Ghafur, ذو celui qui détient الرحمة, la miséricorde. Et donc Cheikh il dit pour cela le deuxième verset il dit de ce fait le deuxième verset indique que le très miséricordieux est celui qui est caractérisé par la miséricorde. C'est pour ça, ça, les frères, il faut l'apprendre. Le verset, il faut l'apprendre. ثم قال, on avance. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. ثم قال وبهذا علم ضلال من سلب الأسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع بصير بلا بصر عزيز بلا عزة وهكذا وعلل ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء قال هذا وردد قالوا وعلل ذلك لماذا المعتزلة قالوا الله هو السميع بلا سمع بصير بلا بصر عزيز بلا عزة أشر إلا من العلل ومن الأسباب قالوا عللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء تعدد القدماء وسيشرح هذا الله هذا الكلام ثم قال وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى قال ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولا يلزم من ثبوتها تعدد القدماء وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدد الصفات أو فكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته ففي صفة الوجود كونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره Al-Kalam. Vous avez vu, là, j'ai avancé un peu, parce que le texte aussi, est, la règle est, l'auteur développe et argumente. Regardez ce que Cheikh il va nous enseigner. Il nous enseigne dans cette règle. Après nous avoir cité le verset, lorsqu'il nous dit, le deuxième verset indique que le tout miséricordieux est celui qui est caractérisé par la miséricorde. Il nous dit, c'est aussi parce que, d'après les savants, en matière de langue et de règles d'usage d'arabe, regardez lorsque l'auteur a dit, pour les savants, l'ijma'i ahli al-lugha, il dit, il y a un consensus, unanimité chez les grands spécialistes de la langue arabe, ou al-urfi, et les savants de l'usage de la langue arabe, annahu la yuqal, on ne peut pas dire alim, liman illa liman lahu ilm. On ne peut pas dire alim illa liman lahu ilm. On ne peut pas dire une personne qu'il est l'omniscient, celui qui détient le détenteur de la science, mais il n'a pas de science. Donc on ne peut que dire celui qu'on appelle l'omniscient, le détenteur de la science, on ne peut que le dire en désignant celui qui détient la science. Celui qui détient la science. Comme il dit, on ne peut pas dire Samir qu'à celui qui détient Sama. Et on ne peut pas dire Basir que pour celui qui détient Al-Basar. On ne peut pas dire qu'il est le clairvoyant qu'à celui qui détient la clairvoyance. Il dit, Hada Amrun Abiyanu. Il dit, cette chose-là, cette affaire est tellement claire, elle est tellement claire qu'il dit qu'on n'a pas besoin de preuves. Tellement c'est clair cette chose-là qu'on n'a pas besoin de preuves. Wabi Hada, pour cela il dit, Ulema dalalu man salabul asma. C'est pour cela qu'il dit, de ce fait, on reconnaît là l'errance et l'égarement man salabu asma Allahi ta'ala ma'aliyaha min ahli at-ta'til. On reconnaît là la fausseté de ceux qui ont dépouillé les noms d'Allah Azza wa Jal de ses sens. C'est ce qu'on appelle ahli at-ta'til, les négateurs, ceux qui ont dépouillé les noms d'Allah Azza wa Jal de ses significatifs, de ses sens. De ses sens. Et qui est-ce donc qui disait, et là on revient à ce qu'on a cité tout à l'heure, qui disait huwa alim bila ilm, basirun bila basar, par exemple, sami'un bila sam, c'est la doctrine qu'on a citée tout à l'heure. Cette doctrine-là de l'i'tizal, elle a émergé à l'époque de grands imams dans les premières générations, à l'époque de l'Hassan al-Basri. Et à leur tête, parmi les fondateurs, il y avait un homme qui s'appelait Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta. Et l'un des fondateurs de l'i'tizal. Avec Amr ibn Ubayd. Un autre homme qui s'appelait Amr ibn Ubayd. Et lorsqu'ils se sont isolés des assises du grand imam al-Hassan al-Basri, alors ils ont été appelés Ahl al-I'tizal. I'tazalou. Ils se sont isolés. Et ensuite, ils ont commencé à véhiculer certaines idées, entre autres parmi ces idées ensuite qui ont émergé au sein de l'Mu'tazila, le fait de dépouiller les noms de leur sens. En croyant donc au nom sublime, mais ils ont nié les attributs de perfection d'Allah Azza wa Jal. À savoir qu'ils étaient connus pour leur connaissance profonde de la langue arabe pourtant. Ils étaient connus pour leur vraiment une connaissance profonde de la langue arabe. D'ailleurs, plus tard, même les partisans de l'i'tizal, à travers leurs livres, vous pouvez voir, ce sont des gens qui ont une connaissance profonde de, ce sont Ahl-Lura. Ce sont des gens qui ont une connaissance profonde de la langue. Mais regardez, pourtant, des choses où il y a ijma, consensus chez les gens de la langue, et les gens de l'usage et de la linguistique arabe, pourtant, consensus, ils ont contredit le consensus des gens de l'Ura. Sinon, eux étaient connaisseurs. Jusqu'à ce qu'il ait rapporté, par exemple, que Wasil ibn Atta était tellement fort dans la langue arabe. Certains savants rapportent qu'il ne savait pas prononcer la lettre Ra. Il avait un problème avec cette lettre. Il ne savait pas la prononcer. Certains rapportent cela, cette histoire. Et il disait lors de ses sermons et lors de ses khutab et de ses rappels, il faisait des rappels en utilisant des mots qui n'avaient pas la lettre Ra. Imaginez-vous. C'est, pour un connaissant de la langue arabe, c'est quasiment impossible. Et il disait qu'il faisait des khutab en utilisant des mots où il n'y avait pas cette lettre. Tellement ils étaient ancrés dans la langue arabe. Ils avaient une connaissance profonde de la langue arabe. C'est pour ça que la guidée provient d'Allah Azza wa Jal. Eux, pourquoi ? Ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal est l'Aziz, mais sans Izzah. As-Samir, mais sans Sama. Allah, oui, s'appelle As-Samir, celui qui entend tout. Mais on ne lui attribue pas, ils disent, l'attribut de l'écoute, de l'audience. Allah, oui, est Al-Basir, mais on ne lui attribue pas l'attribut de Al-Basar. Il a akhiri. Pourquoi ? Parce que pour eux, ensuite, ils considèrent ces comme si ensuite يستلزم من هذا تعدد القدماء. تعدد القدماء. En français, la pluralité éternelle. La pluralité éternelle. En d'autres termes, tout simplement, c'est comme si qu'on désigne pas qu'un seul pour eux. Alors que التوحيد, il faut affirmer l'unicité. Et donc, et vous avez vu, dans, par exemple, dans les Atizel, ils ont cinq principes dont est fondée leur croyance. Les Atizel, التوحيد. Donc, ce n'est pas tous ceux qui professent التوحيد qui ont forcément une bonne conception du التوحيد. Sinon, même dans de nombreux livres, vous trouvez le terme التوحيد. Mais de gens qui ne comprennent pas forcément et ne définissent pas le التوحيد comme il se doit. Pourtant, ils citent التوحيد. Ils ont التوحيد, par exemple. الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين منزلتين. Par exemple, ça fait partie de leur principe. التوحيد, comme on a dit, والعدل والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر et المنزلة بين منزلتين. Ça fait partie des cinq principes sur lesquels est basée la croyance des gens de الاعتزال. قال الشيخ. Or, la cause invoquée par eux est défectueuse. Cette raison-là qu'ils évoquent, pour dépouiller les noms de leur sens, elle est défectueuse. Voire même vaine, ou plutôt voire vaine, car les arguments scripturaux, c'est-à-dire textuels, les arguments scripturaux, c'est-à-dire dans le sens textuel, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, ainsi que les arguments rationnels liés au aql, les arguments rationnels, réfutent cela. Et confirme la fausseté de cette croyance-là. On continuera, Inch'Allah. On va essayer de lire un peu dans la description de la prière. Donc on continuera la deuxième règle dans la prochaine assise, Inch'Allah. Donc ce qu'il faut retenir tout simplement de cette deuxième règle, c'est que les noms d'Allah Azza wa Jal sont des noms propres et des qualificatifs. Tout simplement. Asma'ullahi ta'ala. A'lamun wa awsaf. Si on a retenu ça, on a retenu la deuxième règle. A'lamun wa awsaf. Donc, pour, par exemple, la doctrine qu'on vient d'évoquer, les noms d'Allah sont juste a'lam, sont juste des noms propres. Mais pour nous, les gens de la sunna, ou al-jama'a, pour nous, les noms d'Allah azza wa jal sont des noms propres et des qualificatifs. A'lamun wa awsaf. Et ça, c'est confirmé dans les textes